Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Sébastien Marx. Salut Seb, comment tu vas ? Bien, et toi ? Ça va super, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci pour l'invitation d'abord. Ah ben, franchement, c'était obligatoire pour moi parce que je le dis aux auditeurs, je te l'avais dit l'autre jour, mais vraiment, c'est ton podcast qui m'a donné l'envie en fait d'en faire un jour. Ça a pris du temps, mais vraiment, c'est ton podcast, donc voilà quoi, qui m'a inspiré sur le fait de parler avec des humoristes, tout ça. Le concept n'est pas le même forcément parce que toi, c'était des interviews sur le parcours de la personne. Moi, je me concentre plus sur les anecdotes, même si de plus en plus là on va beaucoup plus profondément dans le podcast, mais vraiment je tenais à te dire merci. Je pense que si tu n'avais pas fait ton podcast, donc voilà quoi, et si Dan Gagnon n'avait pas fait son podcast Dan Gagnon gratuitement, j'aurais peut-être même pas su ce que c'était qu'un podcast en fait. C'est drôle parce que j'ai commencé mon podcast un peu trop tôt pour la France parce que j'ai commencé à le faire en 2012-2013 et chaque fois je disais aux amis français que je faisais un podcast, ils me posaient la question justement, c'est quoi un podcast, tu vois, donc après, ouais, maintenant c'est très à la mode, enfin c'est arrivé en France, mais oui, à l'époque c'était pas du tout le cas. Ben oui, ben maintenant oui, maintenant tout le monde a son podcast et tout, et d'ailleurs il y a un nom français pour ça, je crois qu'ils l'utilisent au Québec peut-être, c'est baladodiffusion. Ah oui, je ne connaissais pas. Moi, je l'ai entendu une ou deux fois et ça fait bizarre quand même. Ça fait vraiment bizarre. C'est comme, tu sais, c'est en fait les gens qui refusent d'utiliser des anglicismes et tout. C'est comme ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas dire spoiler. Ah oui. Tu sais, voilà. Il y a un mot, français qui a été fait donc, par l'Académie française, si je ne dis pas de bêtises, et c'est le verbe divulgâcher. Ah oui. Voilà, ils ont fait un hybride entre divulguer et gâcher, oui. Tu vois. D'accord, ok. Ouais, moi j'ai fait un hybride, je suis sûr que je ne suis pas le premier de le faire, mais c'est quoi c'était attachant. Ah, attachant oui. Ou attachante. Tu vois, quelqu'un oui, voilà. Qui est à la fois chiant mais attachant. D'accord, mais d'accord, ok, parce que moi, je veux dire, je l'ai entendu plusieurs fois et tout. C'était toi qui en parlais sur scène à la base ? Non, je pense pas que j'étais le premier. Je pense que je l'ai entendu. Je sais pas si je l'ai entendu ou je l'ai dit une fois et après j'ai entendu quelqu'un d'autre. Oui, justement, à mon avis, ça a été déjà employé. Mais j'adore cette expression, attaché. C'est un truc. Y a Greg Romano qui avait une blague dessus, je crois, sur la fille qui disait « Ouais, je suis attachiante ». Ah, ok. donc c'est dans le courage courant. Ok, c'est très bien. Ah non, mais on connaît le terme et tout. Et puis, même si tu ne le connais pas, en vrai, tu comprends ce que ça veut dire, tu vois. Oui, oui, tout de suite. Voilà, c'est attachant et chiant. Et je crois que Greg faisait la blague, en gros, qu'il disait à la fille, « Bah non, t'es juste chiante, en fait, quoi. » Enfin, voilà. Bon, en tout cas, on ne va pas, dans cette balado-diffusion, on ne va pas divulgâcher des informations capitales. On va juste parler de tes anecdotes, parce que je pense que tu en avais quelques-unes à nous raconter. Bon, je suis en France depuis maintenant, quoi, 15 ans. Et donc, j'ai commencé le stand-up. Après pas longtemps après mon arrivée, et donc je vais raconter une des premières fois que je suis monté sur scène en France, du coup en français. C'était quand j'étais toujours à Toulouse, parce que j'ai vécu des nombreuses années à Toulouse. Il faut savoir que Toulouse en anglais veut dire perdre. Donc c'était comme un peu malheureux comme choix de ville, hein, même si c'est une très jolie ville. Et donc voilà, je vais raconter la fois où j'ai bien perdu sur scène. Donc voilà, c'était la première fois que je suis monté en français et mon niveau de français était moins bien qu'aujourd'hui. Donc imagine. Non, je t'assure. Moi, je t'ai vu, tu vois, ça fait plusieurs années que je t'écoute et que je te vois sur scène et tout. Et vraiment, ton niveau de français aujourd'hui, il est vraiment très, très bon. Et à l'époque, déjà, ça allait. Mais je veux bien croire que tes premiers mois ici, tes premières années, ça a dû être plus compliqué. Mais franchement, ça va hein, quand on parle avec toi. C'est au contraire, ça fait, tu sais, j'ai l'impression d'être parti aux States sans visa, tu vois ce que je veux dire. C'est moins cher de voir mon spectacle d'aller aux États-Unis, ça c'est sûr. Et on s'éclate autant qu'à New York, donc vraiment, pas de soucis. Et donc, oui, c'était et donc, ouais, sur scène, oui. Oui, donc je faisais une première partie d'une humoriste. Je ne sais même plus si elle fait encore des de One Woman Show. Et justement, j'ai préparé un passage de 15 minutes, des blagues que j'ai écrites à la base en anglais et que j'ai traduit grâce à l'aide de mon ex-femme en français. Donc, c'est-à-dire que la moitié des mots que je disais sur scène, je ne connaissais pas. Je les ai appris oralement, tu vois, juste comme si phonétiquement, quoi, tu vois. Oui, Donc, en gros, c'était Google Traduction sur scène, quoi. voilà. Et donc, sûrement, c'était bien écrit, mais dans ma bouche, c'était peut-être trop écrit pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça reste assez oral, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'ai appris ce texte comme un enfant de 6 ans qui apprend un poème, quoi. Tu vois, Oui. c'était vraiment juste. Oui, Donc, j'ai récité ça. Tu ouais, vois, il y a, y a... sans émotion, je l'ai trop cérébral, je l'ai trop dans ma tête. Ouais, c'est ça, il y avait pas d'âme en fait, il y avait pas Il n'y d'âme avait dans le pas texte. d'âme. Et quand tu ne comprends même pas la moitié des mots que tu dis, tu ne peux pas donner ton âme, tu vois. D'accord. Et en plus, donc c'était dans un petit café théâtre. Et quand j'ai fait cette première partie, il y avait 10 personnes dans la salle. Donc c'était un dîner spectacle, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y avait 8 ou 10 personnes à la même table. Donc, c'était un groupe, uniquement un groupe de 10 personnes qui mangeaient tous ensemble et devant moi. Donc, j'avais l'impression de faire comme si j'étais invité chez eux, quoi, tu vois. Donc, c'était très intime, on va dire. Et je suis juste en général contre le dîner spectacle en général parce que tu peux pas. Littéralement, tu ne peux pas manger et rire en même temps. Tu vois, c'est dangereux. Il ne faut pas. Tu vois, c'est dangereux pour ta santé de manger et rire en même temps. Donc, je trouve que c'est jamais une bonne idée d'avoir vraiment un grand repas devant un spectacle humoristique. J'ai l'impression qu'il faut soit l'un, soit l'autre. Ou alors il faut jouer avant ou après le repas, mais pas pendant, oui, c'est sûr. C'est ça. Oui, en tant qu'apéritif ou pendant que les gens boivent ou oui entre le plat le dessert à la limite, mais littéralement quand tu entends le clink-clang des fourchettes et même le serveur qui passe pour enlever les assiettes, maintenant on va vous servir un confit de canard, tu vois, c'est allô, je suis là sur scène. Mais quelque part, Sébastien, dis-moi, si tu vois quelqu'un qui mange et il t'écoute, et t'es tellement drôle, t'es tellement efficace que la personne, elle s'étouffe et elle meurt. Est-ce Ça, que c'est un c'est... grand réussite. Voilà, c'est là que je voulais en venir. C'est exactement ça. Voilà. Et est-ce que tu as eu quelques, comment dire, au moins des demi-réussites, genre des gens qui ont failli y passer, qui... Non, j'ai eu des gens oui, qui rigolaient beaucoup, mais je n'ai pas joué assez devant les gens qui mangeaient pour vraiment être mortel, littéralement, sur scène. D'accord. Et du coup, quand tu reprendras la scène, tu vas jouer dans quel restaurant? Ah bah déjà les restaurants sont pas ouverts non plus donc Ah ben, problématique. quand on reprendra la scène, j'espère qu'ils seront rouverts. Attends, on Ouais, a... j'espère. C'est un pack, c'est un pack. Tu vois, tu vas jouer quelque part et puis après, quand tu sors, tu vas manger ou je sais pas. Ou il y a des scènes stand-up aussi dans les restos, tout ça. Mais bon, écoute, franchement, moi je te verrais bien reprendre le stand-up dans ce même restaurant, tu vois, et que les gens te voient et qu'ils te disent mais maintenant c'est bon. L'autre fois, c'était compliqué, mais maintenant, c'est tellement bon. Et là, toi, tu leur diras juste pour le délire, tu leur diras, ouais, c'est parce que j'ai divorcé. Tu vois? Tu sais, tu vas tout mettre sur le dos de ton ex-femme. Parce qu'en plus, Déjà, j'ai fait si ça ça se déjà. trouve, ah, mais attends, mais si ça se trouve, elle t'a donné des mots qui n'étaient pas les bons, tu vois? Peut-être qu'elle Oui, c'est sentait vrai. déjà la fin, mais elle sentait peut-être déjà la fin de la relation et elle est en train de te torpiller ton passage. Oui, c'est possible. J'ai pas pensé à ça, effectivement, parce que j'ai pas relu ce que j'ai raconté sur scène. Donc, il s'avère que justement, c'était n'importe quoi. Et j'avoue, mais pour être juste avec mon ex-femme, c'était tentant. Tu vois, de vraiment dire n'importe quoi. J'avoue que si par exemple quelqu'un me demandait, ah ouais, est-ce que tu peux traduire mon sketch en anglais? Je serais très très tenté de dire n'importe quoi. J'avoue, c'est. Ben oui, mais bon, en tout cas, quelque part, tu sais, moi j'avais entendu du coup que tu étais avec elle, que tu étais allé à Toulouse, tout ça, puis qu'après, bon, ben, ça n'avait pas marché. Mais moi, je pense que tous ceux qui te connaissent et qui aiment ton travail comme moi, franchement, on lui en veut même pas parce que grâce à elle, tu es là, tu vois. Est-ce que tu penses, bah, tiens, ça c'est une question bah, tu vois, que je me suis posée. Est-ce que tu penses que si tu ne l'avais pas rencontré, elle, tu aurais quand même fini en France au final ou pas? Non, je ne pense pas que j'aurais fini en France. Peut-être dans un autre pays, parce que j'avais toujours un peu l'envie de voyager. Donc, je ne sais pas si ce sera en dehors des États-Unis, mais je ne pense pas que je serai encore à New York aujourd'hui. Peut-être côte ouest des États-Unis ou peut-être un autre pays dans le monde, pas forcément la France. Mais donc, c'était pas forcément, je n'étais pas amoureux de la France avant de venir. Ici, je connaissais très peu. Je ne parlais pas la langue, tu vois. Moi, j'aimais quelques films, j'aime le fromage, tu vois, mais au-delà de ça, c'était pas quelqu'un. Il y a plein d'Américains qui disent ouais, j'adore la France, j'ai tellement envie d'y vivre. Non, moi, ils aiment la carte postale. Ils aiment la carte postale qu'ils voient, tu vois. Exactement, l'Amélie Poulain. Voilà, Amélie Poulain, exactement. Genre la carte postale qu'ils voient un peu à la télé et tout. Mais quand ils arrivent, tu sais, il y a le syndrome de Paris au Japon. Tu connais ou pas? Ouais. Voilà. Ils sont tellement choqués par Paris. Ouais, mais c'est la réalité de Paris. Voilà, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ça, donc c'est en fait une espèce de maladie, de dépression que font les Japonais, parce qu'en fait, les Japonais, vraiment, ils économisent parfois des années et des années pour pouvoir venir à Paris, et venir à Paris, c'est vraiment une consécration pour eux, sauf que, voilà, ils s'attendent à voir vraiment des belles choses et tout, tu vois, le Paris qu'on leur a vendu, en fait, et quand ils arrivent et qu'ils voient vraiment la vraie misère et les côtés négatifs de Paris, ben, ils en font une dépression, et ils ont appelé ça le syndrome de Paris, c'est quand même incroyable, hein. C'est incroyable. Et je pense que c'est aussi une question de saleté, parce que je pense que je ne suis jamais allé au Japon, mais j'ai entendu que c'est très propre. Et je pense qu'ils débarquent à Paris, ils voient justement la crotte de chien, tu vois, juste l'ordure en général qu'on trouve dans la rue. Je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi, Sébastien. À Paris, les rats se lavent les mains, je l'ai vu dans Ratatouille, d'accord? S'il te plaît, pas de mauvaise foi. Ouais, c'est vrai qu'au moins les rats parlent ici. C'est déjà pas mal. Les Japonais ne peuvent pas dire la même chose. Ouais, mais oui, bah on comprend pas, tu vois, nos langages respectifs, on les comprend pas. C'est pour ça, peut-être que les rats, en fait, ils considèrent que c'est nous qui salissons Paris. Ouais, c'est possible. Et ils ne seront pas forcément sort. Bah oui, ouais. Ah bah oui, là clairement, moi j'ai vu des spécimens. Hein. Tu sais, ça se trouve entre rats, quand ils se rencontrent, ils sont là, genre t'as vu, j'ai croisé un humain aujourd'hui. Tu sais, nous on dit j'ai vu un rat comme un truc dégueulasse, et eux ils disent la même chose peut-être sur nous. Hein. Surtout quand ils voient un Français pisser dans la rue, c'est sûr que. Là c'est sûr que ouais, malheureusement il y en a plein et c'est dégueulasse. Tu vois, moi je suis à Bordeaux, il y en a moins, mais c'est toujours dégueulasse quoi. Enfin bref. Et ouais, au niveau de New York, j'allais te demander, est-ce que tu penses qu'il y a une espèce de syndrome de New York? Aussi. Sûrement, mais parce que j'ai envie de dire que New York est encore plus sale que Paris. Hein. C'est vraiment, c'est une ville très très crade. Et mais je pense qu'il y a un côté grandeur de New York qui fait que tu peux. Je connais vraiment. Je pense que je connais personne qui est allé à New York et était complètement déçu. Il y a plein de gens qui ont dit oui, j'aimerais pas y vivre. Ça, j'entends très bien. C'est vraiment un stressant comme ville. Mais je pense que je connais personne qui a dit « Ouais, je suis allé, ça ne m'a rien fait. » Ça fait quelque chose de meilleur, tu vois. C'est ça. Et donc, je ne sais pas s'il y a un syndrome de gens qui étaient déçus par New York, ils vont trouver ça bruyant, crade. Mais j'ai l'impression qu'on ne ment pas sur ça avant d'arriver à New York. On sait que c'est bruyant, on sait que ça bouge. Tandis que Paris, de l'extérieur, on dirait vraiment que c'est monde de rêve romantique et effectivement la réalité. Ouais, il y a bien sûr un côté, une partie de Paris qui est comme ça, mais ça reste une partie. C'est pas toute la ville comme ça, quoi. Non, bien sûr. Mais c'est vrai, tu vois, c'est ce que je me disais aussi. Dans les films, New York est présenté comme étant une ville quand même dangereuse. Tu sais, j'ai toujours l'image, tu vois, des bouches d'égout qui fument, tu sais. Oui, ça c'est vrai, il y a encore ça. totalement. Tu vois, genre les bouches d'égout qui fument, tu vois des taxis jaunes toutes les deux secondes. On te montre Harlem, le Bronx et tout, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, comme tu as dit, vous mentez pas, quoi. Oui, on ne ment pas sur la marchandise. Tu vois, quand tu arrives, tu serais plutôt agréablement surpris. En fait, plein de gens disent que les New Yorkais sont sympas et qu'il n'est pas forcément vrai, mais c'est juste qu'on a tellement un a priori négatif. Ils sont méchants, ils sont durs, que si quelqu'un te dit bonjour, tu dis ah oui, ils sont sympas. tu vois. D'accord, d'accord. Ah bah oui. Bah c'est bien, vous faites de l'anti-vente en fait. Ouais, c'est ça. C'est limite, vous dites aux gens non, venez pas, vous allez être déçus et tout. Comme ça, les gens ils arrivent et en fait, c'est génial. Alors que nous, ouais. À Paris, c'est limite l'inverse, tu vois. Nous, on dit Paris, c'est la plus belle ville du monde, c'est la ville lumière et tout. Et puis après, ouais. Quand les gens arrivent, ben voilà quoi, ils tombent pas tous à Montmartre, hein, tu vois. Donc forcément, il y a des endroits où. Voilà. Et encore, je suis sûr que même Montmartre, il doit y avoir des trucs dégueulasses là-bas. Ouais, bon, déjà, il y a Pigalle juste en bas, donc déjà. C'est ça. Mais bon, je pense que si Paris n'avait pas cette magie autour d'elle, tu vois, je pense qu'il y aurait, tu vois, il y aurait peu de stand-uppers, tout ça, ou même de gens qui travaillent classique dans un boulot plus classique. Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde qui voudrait y rester. Là, je pense que les gens restent parce que c'est tellement dur, mais c'est tellement du rêve en même temps. Enfin, je pense que c'est le meilleur et le pire en même temps, tu vois. Mm-hmm. Moi, je pense que Paris et New York se ressemblent beaucoup là-dessus, en étant tous les deux des grands capitaux de culture. Et je trouve vraiment ils se ressemblent dans le côté dur. Tout le monde, bon, en fait, c'est très centralisé. C'est-à-dire qu'il y a tout, tu peux tout trouver à Paris ou à New York. Et je trouve que du coup, pour réussir, il faut être le meilleur du pays, quoi. C'est vrai que c'est un endroit où on se dit, si tu supportes et si tu te donnes à fond, c'est-à-dire que tu auras des chances, tu réunis toutes les chances pour y arriver, quoi, parce que c'est là où il y a de la visibilité à gagner, quoi. Alors que tu peux être le meilleur dans un autre endroit, si tu ne viens pas à Paris, c'est, en France, je veux dire, si tu ne viens pas à Paris ou si tu fais du stand-up aux États-Unis et tu ne vas jamais à New York ou à Los Angeles, on va dire, ça reste très, très difficile, quoi. Donc, je pense que c'est un passage obligatoire au niveau artistique. Après, au niveau humain, je pense qu'il y a des belles surprises dans un sens comme dans l'autre, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Mais oui, effectivement, je ne veux pas dire que tu es obligé d'y vivre ou de vivre toute ta vie, mais oui, il faut y passer à un moment donné, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Tu peux, et il y a beaucoup d'artistes qui sont venus à Paris du coup pour travailler leur visibilité, tout ça, leur exposition. Ouais. Et après, une fois qu'ils ont bien cartonné, bah là, ils repartaient s'installer, peut-être pas en province, mais genre en région parisienne au moins, tu vois, genre en banlieue, ouais. Voire carrément quitter le coin et aller en province une fois qu'ils avaient installé vraiment leur visibilité et qu'ils avaient un public, tu vois, qui les suivait, quoi, une fois qu'ils avaient défini leur audience, quoi. Ouais, complètement. Et c'est pas mal comme idée, en fait, surtout en France où tu peux prendre un TGV dans 2 heures, tu es vraiment très loin, tu es à l'autre bout de la France maintenant. Donc, c'est pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas faire ça si tu peux remplir l'Européen 3 fois par semaine, tu passes la moitié de la semaine à Paris et après, tu te barres. Ah, totalement. Ben, moi, tu vois, je suis à Bordeaux. Le train, tu vois, il met 2h30 entre Bordeaux et Paris. On a de plus en plus de Parisiens qui viennent s'installer ici parce que l'immobilier, tu vois, le prix d'une maison ici, c'est le prix d'un paillasson à Paris, tu vois. Ouais. Donc, voilà, quoi, ils se font plaisir. Quelque part, ils ont raison, tu vois. Il y en a plein qui disent, ouais, les Parisiens, ils viennent nous envahir et tout, machin. Très honnêtement, on ferait la même hein, si on habitait Paris. Si on te disait... pour le quart, même pour le dixième du prix de ta maison, tu peux avoir une maison à Bordeaux et tu prends le train, c'est-à-dire tu vas mettre 15 minutes de plus que ce que tu mettais quand tu habitais à Paris. Bah, écoute, je crois qu'on signe tous, hein, tu vois, normal. Ouais. Enfin bref. Et donc toi, par rapport à cette première anecdote, donc quand t'as du coup bidé, j'imagine, devant ces gens qui mangeaient, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te donner des conseils ou est-ce qu'il y a eu une petite suite, quelqu'un t'a fait un retour ou... Oui, le gérant du club, je me souviens, il m'a dit, jouer dans une autre langue, faire du stand-up dans une autre langue, ça se fait pas. Et tu t'as fermé la porte. Et j'adore cette expression en français, ça se fait pas, parce que du coup, ça m'a juste donné envie de le faire, quoi, tu vois. Ah, génial, c'était un moteur pour toi. C'était vraiment un moteur, une espèce de défi qui m'a lancé. Et c'était pas conscient au moment, tu vois, mais après, ça restait dans ma tête. Vraiment, cette phrase, ça se fait pas. Parce que du coup, j'ai l'impression on voit la différence entre la mentalité cliché peut-être entre la France et les États-Unis. C'est ça se fait pas dans la tête d'un Français. Ça se traduit en on devrait pas le faire. Tandis que si tu dis la même chose, ça se fait pas aux États-Unis, un Américain dirait ah donc on devrait le faire. Parce que du coup, ça veut dire que ça n'existe pas encore, donc il faut le créer. C'est plus ça n'a pas encore été fait. Toi, tu te dis, eh ben moi, je vais le faire, c'est pas grave, t'inquiète pas, je serai le premier du coup. Voilà, ouais. C'est un petit peu le côté pionnier des Américains, quoi. Ouais, exactement. Et tandis que si en français, on entend la même chose, ça veut dire que, ah non, personne ne le fait, donc du coup, je ne devrais pas le faire. Totalement. Donc, au contraire, en français, ben c'est ça l'expression, ça se fait pas, c'est en gros, ce serait mal vu de le faire, ou je sais pas. Oui. Ça se traduit en tu ne devrais pas le faire. Ouais, c'est interdit, c'est interdit. C'est ça, ça ne se fait pas. Et est-ce que, du coup, après, quand tu as fait ta carrière à Paris, tout ça, tu as eu envie de retourner voir le mec et de lui passer un petit, ou de lui passer un petit coup de fil, tu vois? Non, pas à ce point-là. Bon, déjà, je ne pense pas qu'il se souvienne de moi. J'ai fait une fois et je n'avais pas forcément une vendetta contre lui. Ou, tu vois, je l'ai gardé comme défi pour moi, tu vois. Oui, bien sûr. Et non, je n'ai pas pensé à recontacter ce mec-là. Je pense probablement qu'il ne se souvient pas de moi. C'était un bon moteur. Parce que du coup, je suis assez têtu et con. Parce que du coup, je me suis dit non, je vais le faire. Ça me demande encore pas mal de travail de toujours jouer en français, même si je suis beaucoup plus à l'aise en français aujourd'hui qu'à l'époque. Mm-hmm. Mais ça demande toujours un effort supplémentaire de jouer en français. Bah bien sûr, bien sûr. Et ce serait tellement marrant aujourd'hui, justement, que le mec, vu que le mec se rappelle pas de toi, ce serait trop bien que tu retournes à Toulouse, que tu le cherches et que tu arrives à le trouver. Et dans la rue, il passe dans la rue comme ça, tu l'attrapes, tu le jettes au sol. Le mec, il te regarde, il fait « Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Et tu le regardes et tu lui fais « Ça se fait pas, tu vois ?» Et le mec, il va rien comprendre. Il va même pas… Tu sais quoi, Seb ? Il va même pas aller porter plainte. Qu'est-ce que tu veux qu'il raconte ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent à la police ? Il va rien savoir dire, tu vois, donc c'est pas grave. Donc, franchement, ce serait beau. Moi, je pense que ta meilleure revanche, c'est justement d'être arrivé là où tu en es aujourd'hui. Et c'est quand même beau d'avoir su transformer. Moi, j'essaye d'avoir cette motivation aussi, tu vois, de transformer les défis ou les gens qui te prennent un petit peu de haut, tu vois, en moteur. Oui, c'est important. Mais c'est beaucoup plus facile à les dire. Et je ne veux pas dire que je n'ai pas eu de doute, et j'ai de doute encore aujourd'hui. Mais je trouve qu'il n'y a pas de négativité. Il faut transformer cette négativité ou ces échecs en réussite après. Sinon, justement, on ne ferait pas cette carrière. Je pense que c'est assez dur et il faut être assez autonome, assez motivé, assez têtu. Pour continuer à monter sur scène et bider, parce qu'on n'arrête pas de bider, parce que c'est ça qu'on s'améliore. Et du coup, il faut être assez motivé et têtu. Têtu doit pas aimer dans le bon sens. Non, mais tu as totalement raison, parce que c'est ce qui fait qu'on va tenir sur la distance. Parce que si jamais on se laisse arrêter par un bide, ben c'est terminé. La carrière, elle va durer 10 minutes, quoi, c'est tout. C'est le premier passage, tu vois, tu parlais souvent de ça dans ton podcast, tu disais soit c'est le premier passage, ça se passe bien, et le deuxième se passe mal, soit c'est les deux premiers passages et le troisième se passe mal, tu vois. En règle générale, moi j'ai vécu ça à mon deuxième passage, en règle générale, la deuxième ou la troisième scène, tu te vautres, donc si on se laisse arrêter par ça, voilà. Après, tu disais tout à l'heure que tu avais toujours des moments de doute et tout, mais… Je pense que ça, c'est au-delà de la langue, parce que même si tu avais fait du stand-up uniquement en anglais, je pense que le doute, tu l'aurais encore, parce que le doute fait partie, pas de la langue ou du challenge de jouer dans une autre langue, ça fait partie du stand-up, en fait, parce que c'est de la remise en question et tout. Je pense que si tu avais fait la même carrière aux États-Unis, tu aurais encore des doutes et tu te dirais peut-être je ne suis pas fait pour ce métier, tout ça. On est un peu, tu vois, on a tous le syndrome de l'imposteur, tu vois. Complètement. Et donc, ça spécifiquement n'est pas lié forcément à la langue. En général, je suis quelqu'un qui doute et je pense que c'est quelque chose qui peut faire mal des fois, mais en même temps, c'est important. Je pense qu'en tant que gens qui créent quelque chose, qui écrit quelque chose, c'est important de douter. Parce que notre rôle en tant que stand-upper aussi, c'est d'un peu critiquer ou la société ou juste mettre en question au moins, de poser des questions, de douter. Oui, on dit tout ça, mais pourquoi on dit ça? Pourquoi ça devrait être comme ça aujourd'hui, tandis qu'il y a d'autres options? Je pense que c'est très important comme arme, le fait de douter dans notre création, si je peux le dire. Ouais, non, mais c'est totalement ça. Et puis, je pense que quand tu doutes pas, tu n'es pas un bon stand-upper, en fait. Quand tu montes sur scène et tu sais, tu vois, tu as une espèce d'arrogance, le public va le sentir, il va pas rire. Toi, tu vas te dire, limite, tu es tellement arrogant que tu vas te dire, c'est eux qui n'ont rien compris à mon art, mon talent, ils ne sont pas dignes de mon talent, tu vois. C'est vrai. Des trucs comme ça. Et je pense que ce qui nous rend drôle, en fait, et ce qui nous rend accro à la scène, c'est ce doute, justement. Parce que si on n'avait pas le doute, si on savait qu'à chaque fois ça allait marcher, on ne prendrait pas de plaisir. Alors que quand tu doutes, tu te dis peut-être ça ne va pas prendre et tout, et que tu vois que ça prend, c'est une récompense ultime, tu vois. Ouais, justement, on est un peu des drogués parce que c'est une drogue dans le sens comme le pari et une drogue. C'est-à-dire que chaque fois, on ne sait pas ce que ça va donner la scène. Et donc, du coup, quand ça marche, tu vois, si tu joues au poker, tu gagnes de milliers d'euros d'un coup. Justement, c'est ça qui est excitant parce que tu sais que tu peux perdre. Et donc, justement, c'est cet enjeu-là ce risque qui nous attire et quand ça marche, effectivement, c'est un high énorme. Donc, on cherche tout ça, je pense. Ouais, mais c'est sûr, hein. Moi, je le disais, je l'avais dit dans deux ou trois épisodes du podcast, c'est que vraiment, en fait, on endure les lows parce qu'ils sont vraiment très très durs. Ça fait très très mal de bider. On a mal physiquement, on a mal au cœur et tout. Quand on bide, on se sent comme le pire des humoristes, comme le pire des êtres humains même. Et ce sont des lows vraiment très très low, tu vois. Mais comme les highs sont très très high, on se dit, je veux bien accepter les lows en recherche des highs, tu vois. En échange, quoi. Vraiment, j'accepte de galérer, de bider, si ça peut me permettre de ressentir ce que j'ai ressenti. Tu vois, voilà, je me rappelle de ton épisode avec Blanche Gardin. C'était avant sa métamorphose, vraiment. Voilà, c'était avant qu'elle explose vraiment Quel médiatiquement. carton, ouais. Ah ouais, c'était. Mais déjà, on sentait quelque chose. Mais on sentait qu'elle avait une souffrance et tout, mais elle n'avait pas encore réussi à vraiment s'en sortir. Aujourd'hui, j'espère pour elle que c'est derrière elle, tout ça. Même si je pense que non, parce que c'est un état qu'elle avait toujours eu un peu. Enfin voilà. Et donc, elle t'expliquait que quand elle jouait, en fait, elle avait ressenti, la seule fois où elle a ressenti ce high vraiment, c'était en première partie d'Elie Semoun à l'Olympia. Elle avait joué 20 minutes et elle avait vraiment kiffé comme pas possible, quoi. Et elle a dit, enfin voilà, je suis à la recherche de ce truc-là, quoi. Elle veut retrouver cette sensation. Et je pense que c'est ce qu'on a tous vécu. On n'a pas tous fait la première partie d'Elie Semoun à l'Olympia, hein, voilà. Mais ne serait-ce que, tu sais, même jouer dans une pizzeria devant trois personnes qui sont mortes de rire, qui se tiennent le ventre tellement qu'elles ont rigolé, rien que ça, c'est notre Olympia à nous, tu vois. Complètement. Tu n'as pas besoin de jouer devant 1000 personnes pour ressentir ça. Tu viens de le dire très bien. C'est-à-dire que peu importe si les gens sont morts de rire ou justement où toi tu es en forme spécialement, c'est ça qui compte. Et c'est pas le nombre de gens dans la salle. Et effectivement, je pense que quelque part, on est tous des malades, en fait, quelque part, parce qu'on est tous des drogués. On cherche désespérément de retourner à ce high. Et heureusement, on a quand même senti à cet high à un moment donné. Et c'est effectivement, voilà, l'épisode avec Blanche, elle a très bien dit ça. Justement, c'est un peu triste de nous voir en train de juste chercher ça. Mais je pense qu'on a régulièrement des petites tailles par-ci, par-là. Et je voudrais préciser qu'après cette petite, mon premier passage à Toulouse, c'était quand même un grand lot, quoi. Tu vois, là, on a fait une énorme ellipse jusqu'à aujourd'hui, où je suis intermittent de spectacle. J'ai une carrière dans le stand-up. Mais quand même, plusieurs années après cette date à Toulouse, j'ai rien fait. Je me suis dit, effectivement, que cette personne avait raison, que ça se fait pas, que j'étais nul, ce serait pas possible de jouer en français, et vu que j'étais à Toulouse, il n'y avait pas beaucoup de public pour quelque chose en anglais à l'époque, tu vois, donc je me suis dit, ok, je ne le ferai pas. C'est qu'après, des années après, quand je suis monté à Paris, que je me suis dit, tiens, maintenant je parle un peu mieux français, j'ai un peu mieux compris la culture française, je vais remonter. Mais ça a pris quand même longtemps après ce premier Ouais, mais je comprends. Après, c'est un gros low, c'est sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as commencé par le truc le plus dur. Tu as commencé par un bide, en fait. Tu vois, même la première scène, on en parlait tout à l'heure, la première scène qui se passe bien, et après, c'est à la deuxième que tu te casses la gueule parce que tu es venu trop en confiance. Et bien, toi, cette première scène-là, tu ne l'as pas eue, tu vois. Ta première scène qui s'est bien passée, en fait, tu as dû la voir à Boston, vu que tu n'as pas pu la voir ici en France. Quand tu avais commencé là-bas, peut-être que ta première scène, elle s'est passée comme nous, nos premières scènes à nous en français. Voilà, la première fois avec cette fraîcheur, avec ce charme quoi que tu as sur scène, et les gens rient parce que c'est la première fois pour toi, quoi. Oui, exactement. En fait, la première, bon, en fait, c'était pas à Boston, c'était à New York, parce que c'était avant que j'allais à la fac. Je suis allé à la fac à Boston, donc j'avais 17 ans, donc j'étais toujours au lycée à New York. Et oui, c'était, en fait, j'étais dans un stand-up comedy club à New York, et c'était la première fois, donc j'avais l'énergie, et notamment j'avais pas mal de mes amis du lycée qui sont venus, donc j'avais énormément de soutien. J'avais, je pense, même mes parents qui étaient dans la salle, qui depuis, j'aime toujours pas voir mes parents dans la salle, mais il y avait énormément de soutien, donc ça a très bien marché. Et j'avais vraiment, comme tu viens de dire, j'avais l'énergie du débutant, je voulais défendre mon propos, le fait de monter sur scène, etc. Et donc, ça, c'était mon premier high. Et après, oui, après ça, j'ai eu plein de lots, même aux États-Unis avant de venir en France. Mais celui à Toulouse est resté quand même. Ah, il était violent, c'est vrai. Ah, mais c'est pas grave, c'est bien que ça t'ait pas découragé, parce qu'il y a des personnes qui vont vivre ça et qui vont se dire, mais c'est impossible, je ne peux pas remonter sur scène, c'est pas fait pour moi. Il y en a qui vont vite tirer des conclusions. Toi, tu savais qu'il te fallait un temps d'adaptation, tu as pris du recul et puis tu t'es dit, c'est sûrement parce que je maîtrise pas encore la langue, je maîtrise pas encore le pays, les références ici, les tenants et les aboutissants d'être en France, quoi. Et donc, bah, en fait, j'ai l'impression que tu as laissé mûrir ça en toi, et tu te disais pas encore, pas encore. Bientôt, je remonterai, mais pas tout de suite, tu vois? Oui, donc oui, c'était ça, c'est vrai, mais aussi je pense que c'était parce que je n'avais pas d'autres talents. Je n'avais pas le choix. Oui, bon, bah, écoute, je l'avais dit de façon plus romantique, plus, tu vois, Voilà, plus tu l'as stylée, tout bien ça. vendu. J'ai essayé de sauver les apparences, tu vois. Voilà, tu as vendu sur la marchandise, tu vois. Moi, je suis New Ah. York. Non, mais c'est quand même beau d'avoir pu revenir et surtout revenir et t'accrocher et arriver aujourd'hui, comme tu l'as dit, à être intermittent du spectacle, parce que il y a même des personnes, tu vois, après plusieurs années, qui vont se dire, mais j'aurais voulu remonter, mais c'est trop tard maintenant, tu vois, je vais pas y arriver. Toi, tu y es allé, tu es reparti finalement, après être resté, je pense, plusieurs années sans jouer, tu es reparti quasiment de zéro, quoi. Quand je suis monté à Paris, c'est sûr que je repartais à zéro, surtout avec les relations, parce que moi, ouais, comme tu sais, c'est pas qu'une question de blague, c'est aussi une question de connaître les gens qui vont te mettre sur scène, qui vont te donner le petit slot, tu vois, le passage dans un club, comme ça tu peux tester tes blagues. Et donc, mais heureusement, j'étais bien entouré assez rapidement à Paris, parce que il y avait à cette époque-là, même il y a 10 ans, il commençait à avoir un petit milieu de pas mal de soutien entre les humoristes. Oh, il y avait Et le morceau, tout ça, ouais. il y avait Pranzo à l'époque, il y avait le Schanchmann, il y avait le Bordel Club, tu vois. Donc il y avait quand même un petit milieu des endroits où on pouvait monter sur scène, et donc ça c'était cool, quoi. D'accord. Et du coup, quand tu es remonté sur scène la première fois à Paris, donc quand tu es reparti de zéro, est-ce que ça a été un bide ou est-ce que ça va? Est-ce que tu as galéré? Je ne sais pas si je me souviens de la toute première fois à Paris, mais oui, assez rapidement, je ne sais pas si c'était la première ou deuxième fois que j'ai fait à Paris, mais j'ai fait un joli bide aussi devant 300 personnes, je pense. C'était une espèce de plateau. J'ai fait un. Oui, c'était, je pense, que le deuxième ou troisième fois à Paris. Mais après, c'était en faisant beaucoup oui, le Pranzo, le Changement, tout ça, que j'ai commencé à m'améliorer, quoi, et rendre mon texte plus fluide, et être plus présent. Et oui, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que au début, même si les gens rigolaient pas, ils m'écoutaient, parce que j'étais bizarre. Tu vois, je montais sur scène, j'avais un accent. Déjà, les gens se disaient, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fait exprès d'avoir cet accent? Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, même si ce n'était pas forcément de rire, j'avais de l'attention, j'étais original au moins. Ah, Et je me rends compte que ce n'est pas négligeable, ça. C'est quand même important d'avoir un truc que tout de suite frappe qui est différent, soit dans ton écriture, soit ton physique, ou je ne sais pas, mais c'est un avantage quand même, même si c'était vraiment pas mon faveur pendant longtemps. Là, Oui. je suis arrivé à au moins tourner de temps en temps en avantage. Ça, c'est cool. D'accord. Non, mais c'est bien parce que je pense que les gens te voyaient un petit peu comme étant un humoriste qui va avoir un regard tout neuf sur le pays parce que tu n'as pas grandi ici ni rien. Ils voulaient écouter cet avis d'une personne étrangère qui va parler de la France. Donc, c'était ce regard un petit peu extérieur qu'ils voulaient entendre. C'est un peu pareil que nous, tu sais. Enfin, il y a un petit charme, en fait, voilà, de oh, t'as vu, c'est même pas sa langue et il fait ça chez nous et tout, c'est bien. C'est un peu comme nous. Quand on va jouer en anglais, tu vois. Moi, par exemple, j'ai joué que 2 fois dans ma vie en anglais et j'espère pouvoir le refaire. Évidemment, c'est juste parce qu'à Bordeaux, il n'y a rien. J'ai joué une fois en anglais, bah, c'était sur ton plateau d'ailleurs. Et ouais, c'était franchement super. J'ai vraiment, tu sais, j'étais très content de jouer sur ton plateau. C'était pas toi qui présentais ce soir-là. Tu étais déjà sur scène, tu avais confié ça à un autre humoriste et j'avais joué avec Khaldoun Hosni. J'en profite vraiment ouais, pour remercier Khaldoun parce qu'il m'avait vraiment aidé et tout. J'avais pris un sketch, tu vois, je faisais une liste d'amis, tu vois, je faisais la liste des amis qu'on a tous dans nos vies, tu vois, genre l'ami en retard, l'ami qui t'emprunte de l'argent, l'ami qui n'a pas de voiture qui compte sur toi parce que tu as le permis, tu vois, des trucs comme ça. Et je faisais cette liste et c'était le seul truc que je pouvais traduire facilement en anglais. Il n'y avait pas de jeu de mots, il n'y avait pas de, tu vois, voilà. Et donc, il m'avait aidé et je me rappelle, j'étais très content et d'ailleurs, je te remercie, c'est grâce à toi que j'ai pu vivre ça. Ça faisait peut-être 2 ou 3 ans que j'avais pas vraiment pris de risque entre guillemets. Je faisais que du sûr. Et là, vraiment, j'ai retrouvé le frisson. Je me rappelle, Khaldoun était sur scène et il a dit ouais, c'est tout pour moi et tout. Et j'ai senti une peur, quelque chose qui m'a pris dans les tripes comme ça. Et je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette sensation? Et en fait, j'ai reconnu le trac que j'avais avant. Tu vois? Et c'est pas le seul de le dire. J'ai aussi des amis américains, comme Dan Natterman, qui est un humoriste américain confirmé. Mais quand il joue en français, il dit pareil. Il dit que je retrouve la même sensation qu'au début, c'est-à-dire le même trac de qu'est-ce qui va se passer. J'ai zéro contrôle et aucune idée comment ça va se passer. Ce trac qui est aussi excitant, bien sûr. On retrouve quand on joue dans une autre langue, c'est sûr. Oui, bien sûr. Ça fait du bien de le retrouver. Ça fait peur sur le moment. Et puis, ça fait du bien de le retrouver. Je me suis dit, et je pense comme tous les humoristes qui te connaissent et qui sont montés dans une autre langue, je me suis dit, je vais voir ce que ça fait d'être Sébastien Marx sur scène. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais jouer dans une langue qui n'est pas la mienne. Et l'autre jour, j'ai fait autre chose. J'ai été jouer à Barcelone et tout. Donc, on a joué en français. Et il y Ah, avait cool. des plateaux. Il y avait un plateau anglais et il y avait un plateau espagnol. Ben, j'ai fait les deux, tu vois. Donc, Et je alors? suis allé jouer pour la seconde fois de ma vie en anglais et c'était très flippant aussi, mais franchement, j'ai passé un bon moment. Et j'ai joué pour la première fois de ma vie en espagnol et l'espagnol, je maîtrise beaucoup moins que l'anglais. Déjà, l'anglais, je maîtrise pas, je suis pas bilingue, hein. Et l'espagnol, c'est encore pire. Et vraiment, c'était un frisson encore plus fort que celui de l'anglais. C'est ma troisième langue et tout, donc c'est dur parce que j'ai fait plus d'espagnol si on compte le nombre d'heures au lycée, au collège, j'ai fait plus d'heures d'espagnol, mais l'anglais, j'en prends toute la journée avec Netflix et tout, tu vois. Voilà. Donc, j'ai plus de facilité en anglais. L'espagnol, je le parle que quand je vais au Maroc. Tu vois, quand on part au Maroc, on passe par l'Espagne. Et il n'y a que là que je parle espagnol, quoi. L'anglais, je le parle. Tu sais, moi, je suis chauffeur de bus à Bordeaux. L'anglais, je le parle avec les clients qui viennent, qui arrivent à l'aéroport et tout, ou qui arrivent à la gare. Et ils me parlent en anglais directement. Donc, l'anglais, je le pratique plus souvent, beaucoup plus souvent. Et c'était marrant cette scène en espagnol d'ailleurs parce que c'était ma première, il l'avait bien annoncé et tout. Et je suis tombé sur un heckler, tu vois. Oh là là, ok, ouais, quel Je me suis connard. fait heckler en espagnol, tu vois. Ouais, Et je lui ai tu savais dit, ce qu'il a dit? bah, je comprenais à peu près, tu Ouais. vois. Et je lui ai dit, je peux même pas te répondre. Tu sais, la seule chose, j'avais préparé ça, et encore préparé, tu vas très vite comprendre qu'il n'y avait vraiment pas de préparation. Mais je me suis dit, si jamais je me fais vanner par quelqu'un, je vais lui dire ça. Et je lui ai dit, en gros, je lui ai dit, je parle pas bien espagnol, c'est-à-dire, je peux même pas te répondre, je suis comme un bébé face à un camion. Tu vois? Je sais même pas si ça veut dire quelque chose, cette image, tu vois, mais... C'est très drôle, l'image. Mais c'est le seul truc que j'avais à ce moment-là. Et il n'a pas arrêté. Le seul truc que j'ai trouvé, et le public m'a applaudi, c'est que j'ai dit en espagnol, est-ce que quelqu'un peut le tuer, tu vois? Est-ce que quelqu'un peut le buter? Et ils ont rigolé, tu vois, parce qu'ils ont compris que le mec, il me gênait. Et après un moment, je lui dis, oh, je suis en train de mourir sur scène, là, tu vois? Je lui dis, estoy muriendo. J'ai fait ça. T'imagines, j'étais dans ma tête à ce moment-là, j'étais en mode, mais mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas senti en danger comme ça, tu ouais, vois. Panique, ouais, c'est de panique totale, quoi. Le seul arme qu'on a sur scène, c'est les mots. Et quand tu n'as pas ça, en fait, oui, ça m'arrive aujourd'hui plein de fois où quelqu'un dans le public me parle en français et je ne comprends pas. Des fois, parce que c'est loin, disons que si c'est le fond de la salle, quelqu'un crie quelque chose et j'entends pas, et j'ai quoi? Et le problème quand tu dis quoi, c'est qu'il y a 5 personnes qui répètent la même chose au même temps, tu vois? Et donc, c'est encore plus dur de comprendre 5 personnes qui essaient de te dire le même mot, et je peux vraiment tout perdre, tu vois? Il n'y a rien de pire d'être un humoriste sur scène dans une position faible. Quand tu dis quoi, j'ai pas compris, et les gens autour de la personne qui a créé la chose commencent à rigoler, et donc du coup, tu les as perdus, quoi. Oui, tu as perdu ton aura, en fait, parce que quand tu es sur scène avec le micro, voilà, tu as une aura de contrôle, et là, tu as perdu le contrôle, ça y est, c'est terminé, la soirée, elle est plus à toi maintenant. C'est ça. C'est comme un prof devant des élèves, et un qui crie quelque chose, et tous les élèves rigolent, et le prof peut même pas condamner la personne parce qu'il n'a même pas compris ce que l'élève a dit. Tu vois, donc, c'est ça. Eh bien oui. Et puis notre apprentissage, il va durer encore longtemps. On va encore prendre beaucoup de bides et beaucoup de galères. Ah oui. Merci beaucoup, Sébastien, en tout cas, pour ces belles anecdotes et ces réflexions sur le stand-up. Merci d'avoir parlé de ton parcours également. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Je suis un peu partout, YouTube, Facebook, Instagram. Je pense tu tapes mon nom, tu vas me trouver. C'est Sébastien, I-A-N. D'accord, fin. Ok. C'est pas Sébastien, la française, c'est Sébastien. C'est ça, Sébastien, oui. Et tu as Twitter aussi? Je suis aussi sur Twitter, effectivement. Okay. Et bien, parfait, je mettrai les liens vers Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Merci beaucoup, avec grand plaisir, merci à toi. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.